situation dans le monde. L'attentat historique du 11 septembre. Le Pen qualifié au deuxième tour. La mort de Biggie Small et Tupac Shakur. Après le tas, voilà le SRAS. La légionellose, la vache folle, les gens passent. Jusqu'à la mort comme Montana Las. Comme un braqueur de banque bloqué dans le sas. Comme un coup de couteau à Delano. Comme une résistance de José Bové. Florence Ray et Audrey Maubert. Si c'était affaire Kerry James de Milan. L'accident présumé de Lady Di. Bill Clinton et Monica Lewinsky. Extrêmement de droite comme Brigitte Bardot. Surréaliste comme l'affaire Woutreau. Prostitution infantile à Angers, pas qu'en Oasis. Émile Louis et Michel Fourniret. T'as vu ce que sont devenus Vantam et Maradona. Hardcore et rapide comme Ayrton Senna. Tremblement de terre en Turquie, au Maroc, au Japon ou en Algérie. Incendie dans le tunnel du Mont Blanc. Comme un malade vivant ses derniers instants. Naître et vieillir en Palestine. De Sabra et Shatila et les Chatia jusqu'à Jénine. La nomination du Boucher Sharon. Dans le viseur du tireur de Washington. Qui s'appellerait soi-disant John Allen Mohamed. Une balle dans la tête du petit Mohamed. Le nouveau mur de l'apartheid. Un peuple appelle le monde entier à l'aide. On est tous témoins. Comme Arafat assiégé dans son QG. Qu'il ne quittera que sur le point de décéder. Comme un arabe seul face au lâche du bêta. Comme un SDF face à Hervé Guémaron. Comme Richard Durand face aux élus de Nanterre. On en a marre d'être gouverné par des gangsters. Corruption dans les hautes sphères du gouvernement. Tolérance zéro pour les petits délinquants. Comme la démission du juge Alphen. Comme certaines rues du 18ème. Le président soutenant Alain Juppé. La mort subie en direct du footballeur pour l'affaire du sang contaminé. Qui a écrit Omar m'a tué. Patrick Dils condamné à tort. 15 briges de placard, n'est-ce pas hardcore. Les discours racistes de Berlusconi. Branche-toi sur Radio Courtoisie. Les Iraniens qui s'immolent en plein Paris. Jean-Edouard et Loana dans une piscine de Love Story. 2005 constate que rien n'a changé. Ce monde est toujours aussi fou, aussi dingue, aussi hardcore. La pression, on tombe comme ça, on y va. Okay. L'explosion de l'usine AZF, l'affaire Allegro, l'affaire Elf, comme la canicule de l'été 2003, comme les idées défendues par Al-Qaïda. De Bali à Madrid, de la Turquie au Maroc, le monde entier a peur, est en état de choc. Sur internet, des têtes sont tranchées, c'est trop hardcore, comme un détenu à Guantanamo. La CIA soutient les talibans, pourtant les USA envahissent l'Afghanistan. Le petit Bush appelle à une nouvelle croisade après que Ben Laden ait prétendu le djihad. Et le petit Bush s'approprie l'Irak et sous, malgré l'ONU et Monsieur Chirac. Comme les déclarations de David Kelly, puis comme la disparition de David Kelly. Encore comme une résistance irakienne, comme une torture de l'armée américaine. Comme les aveux du général Osaras, comme l'entêtement des membres de l'OAS. Comme un match de foot France-Algérie, comme un attentat à la Maxime Brunnery. Comme un tsunami dévastant l'Asie, comme un ouragan ravageant Haïti. Comme une crise de jalousie de Bertrand Cantat, une exécution politique signée ETA. Comme une prise d'otage gérée par Poutine, un soldat russe au main d'un tchétchène, t'imagines. C'est comme un matou en cellule avec un polar de le noir complet, ni personne qui les sépare. C'est comme un comorien pénétrant chez Bob Tenard. Innocenté par la flèche au peinard en baignoire, c'est hardcore ça. Imagine la scène, c'est hardcore ça. Imagine la scène, chaud bouillant comme un macho MPSG. Hannibal, Kadhafi sur les Champs-Elysées. Incendie et coup de feu sur les mosquées en France. Pression sur les Marocains en Corse. La tension monte, demande à Joël Damon. Chasseurs d'immigrés, tueurs d'innocents. Des supporters violents, des slogans fachos. Imitant un singe dès que la balle touche le pied d'un négro. Hardcore et stupide comme funéaste. Welbeck, grossistra, mec, belette. Comme l'empoisonnement de Victor Lutchenko. Comme la voix d'Ironside sur ce morceau. Nécrophilie, zoophilie, pédophilie. Scatophilie, attends j'ai pas fini. Europhilie, inceste. Comme un cannibale allemand affamé sur internet. Entends-tu le chant des indiens pleurant l'oppression des américains. 2005 constate que rien n'a changé. Ce monde est toujours aussi dingue, aussi fou, aussi dingue, aussi hors tout de corps.